Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. انتهينا امس من المقدمه مقدمه العلامه الشيخ العثيمين رحمه الله ودخلنا في القاعده الاولى فما هي القاعده الاولى في اسماء الله عز وجل كلها حسنى تذكر دليلا على هذه القاعده أحسنت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ما معنى قوله حسنى؟ حسنى أحسنت أن أسماء الله سبحانه وتعالى كاملة الشيخ ابن عثيمين قال بالغة في الحسنى غايته أي في الكمال Qui nous explique cette qaïda avec un mythal? Asma Allah, kulluha husna. Asma Allah, kulluha husna. Wadhalika, innaha yatadakhman ala sifat kamil, husman, sifat kamil, biwajhi min al-wujud. La. Oublier quelque chose. Sifatun kamila avant wajh min al-wujuh. Ahsant la naqsa fiha bi wajh min al-wujuh. Mithal, qui c'est qui nous cite un mithal? Autre qui est cité dans le livre. Al-Basir. Al-Basar, c'est une sifa kamila? Na'am, c'est une sifa kamila. Baqiya الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة هذا أولاً لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا ما يريد ماذا يريد بهذا عندك نقص مثل ماذا الجهل نقص فالله لا يوصف بالجهل معاذ الله الله العلي قوله لا نقص فيها بوجه من الوجوه اما النقص كلير توتال لينيورونس لا فيبلس لو منسونج tout ça c'est du نقص هذا الله منزع عن ذلك كذلك قال الصفات الكامله لا نقص فيها بوجه من الوجوه اي tu comprends من هذا ان هي صفات كامله لكن تحتمل النقص بوجه من الوجوه مثل ماذا المكر زد متى يكون كمالا ومتى يكون نقصا ففي المقابلة يكون من باب الكمال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين المكر كمالا أي في المقابلة et ça peut être un نقص أي sans raison الآن le rapport avec la قاعدة est-ce qu'on dit أن الله c'est le ماكر لماذا أحسن أن الماكر si tu dis اسم الماكر أي celui qui ruse il n'est pas كامل من كل الوجوه فلهذا اسم الماكر il n'est pas ثابت لله لأن il fait pas partie de l'asma al-husna أي لا نقص فيها بوجه من الوجوه أما صفة المكر elle est ثابتة بالمقابلة بعض إخوان أشكل عليهم هذا الظاهر et c'est normal أخي أن au départ يشكل عليك مثل هذا لكن الصبر والجد والاجتهاد ce que t'as pas compris aujourd'hui tu le comprends demain ce que t'as pas compris demain après demain وهكذا ياكم وساوس إبليس أنا la personne il croit là c'est pas fait pour moi il lâche en lâchant tu vas ni comprendre احتمالا ni تقديرا ولا الشيء في هذا الباب si tu lâches c'est pas une solution à la personne يصبر Et nous, on a choisi ce livre, il y en a, on l'a fait le ma. Idnallah, il est munasib. La personne, il faut être patient. Aujourd'hui, demain, après-demain, des révisions, des questions. Et idnallah, à la fin, tu auras compris comme tous les autres livres. Celui qui n'a pas compris, هذا احتمالا ولا تقديرا, سياتي بعد. Il le reverra, idnallah, عز وجل. ونحن, on va résumer tout ce qu'on a dit أمس avec كلام شيخ ابن عثيمين. هذا شرح القواعد المتلى للشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين, il a écrit le matin. Celui qu'on a là. هذا c'est le matin. Avec تحقيق كمال العدني وفقه الله. Celui qu'on lit, نحن. كذلك, الشيخ ابن عثيمين, il a un شرح. Il est مختصر. لكن, il est مفيد جدا. C'est عبارة عن دروس, des audios. Et بعض طلبة العلم, ils les ont recopiés dans ce livre. Il a résumé هذا. أن الأسماء أي من حيث الإثبات والنفي, tu vas avoir plusieurs أقسام. Tu vas avoir des noms كاملة حسنة مثل ماذا؟ الرحمن والرحيم. قال شيخ ابن عثيمين, إن كانت دالة على غاية الكمال فهي من أسماء الله, إذ ليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا, وذلك مثل السميع البصير العظيم العليم etc. هذه يا أوكا إشكال سنتغيقل الأسماء الحسنى. اسم يتضمن صفة كاملة أو يتضمن صفة كاملة. On a un dalil. Il faut deux choses pour le ism. Un dalil, et si un dalil, obligatoirement, c'est que c'est min al-asma al-husna. Un dalil sahih. Kadhalik, il a cité min al-aqsa. C'est le contraire du premier qism. Ça va être quoi? Indaman. Ahsant. Ismun fihi naqs mahd. Mit. Al-jahil. الجاهل سان اسم سمذموم. فهذه الأسماء المتضمنة لصفة نقص محضة لا تثبت لله أبدا, مثل العاجز والخائن والجاهل تسى والعياذ بالله, لا تثبت لله ولا أحد يثبتها لله. لكن نحن ست الأقسام بوك تكمخن. Si tu as du mal à comprendre une chose, cherche son opposé, ça va te faciliter. Il a cité le qism alladhi yushkil ou ashkala ala al-ba'd qalilan ay la ihtimalan wa la taqdira. Fadi asma tatadhamman sifa kamila lakin hadhihi sifa qad tahtamil naqsan bi wajh min al-wujuh. Il peut avoir un naqs bi wajh min al-wujuh. Mathalan qal الفاظ أو الألفاظ الدالة على كمال, لكن ما احتمال نقص بالتقدير فهذا لا يسمى به الله ولكن يخبر به عنه. هذا مما بالإخبار. On dit أن الله إلى متكلم تدي نعم. Ça veut pas dire que tu as attribué Allah ce nom là. من باب l'information là. ألما est-ce que c'est un nom parmi les noms d'Allah الحسنى؟ لا. لماذا؟ قال ولكن يخبر به عن لأن باب الإخبار هو أوسع. Il est plus vaste que Bab al-Asma. قال وذلك مثل المتكلم والمريد والصانع والفاعل. Tout ça c'est des noms. لا تثبت لله عز وجل en tant que من الأسماء الحسنى. لا من باب الإخبار لا. قال لأن الآن المتكلم ليس من أسماء الله, لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد, قد يتكلم بما يذم, ولكن الكلام نفسه كمال. نعم. L'attribut de la parole c'est un attribut parfait. فلهذا on dit أن الله parmi ses attributs الكلام. وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. قال فالمتكلم بالمعروف متكلم بكمال. الله سبحانه وتعالى الكلام كل attribut c'est هذا. أي il est متكلم بكلام حق. قال والمتكلم بالمنكر متكلم بالنقص, هذا الله متنزعا. قال فصفة الكلام في ذاتها كمال. L'attribut de la parole en lui-même il est كمال, il est parfait. قال ولكن موضوع الكلام قد يحمد وقد يذم. أي مثلا la parole qui va dire, pas la parole en elle-même, la parole en elle-même ça montre qu'il est en bonne santé, il parle. لكن la parole elle-même elle peut être حق وباطل, أي ما يتعلق بالمخلوق. قال ولهذا لم يكن المتكلم من أسماء الله لماذا؟ لأن الصفة كاملة تحتمل نقص بوجه من الوجوه. Donc on conclut أن المتكلم c'est pas من أسماء الله. أما صفة الكلام نعم، لأن الله parle بحق. المتكلم من باب الإخبار تنفهم لا بس. قال وصح يطلق على الله على سبيل الإخبار هذا. أما متكلم من باب الإخبار لا بس. فإن شاء الله بهذا سيكون خير. راجع شرح العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند نعم القاعدة الأولى. الشيخ ابن عثيمين إلى كونكلي القاعدة أفك إن فائدة. ما هي الفائدة هذه؟ عندك أحسنت أن إذا ذكر اسم واحد سمدخل كمال الله العزيز صفة العزة. سي مثلا في القرآن دوزيام اسم سأجوت كمال فوق كمال، مثلا العزة ألي بحكمة. هذه سن فائدة عظيمة إلا ستي لفان دو لقاعدة. أمس أنا أوليه دكسبيكي للتتر أمس أنا أوليه دكسبيكي للتتر القواعد المتلى. القواعد سجمع قاعدة أي إن غجل، والقاعدة هي معنى كلي يندرج تحتها أمور كثيرة. سسان قاعدة إن غجل سإن فخاز qui va englober un sens large. Et il y a beaucoup de branches ou des sous-catégories qui vont rentrer sous cette règle. C'est ça une qaïda. Et c'est ça l'ilm. C'est ça l'importance de l'ilm. C'est que tu connais Ayyuha al-Talib les qawa'id. Cheikh Ibn Uthaymeen il a appelé al-qawa'id al-mutla. Et c'est des règles. Asma'ullah كلها حسنى. سين غجل. الآن va englober beaucoup de choses. أي elle va englober tous les noms. مثلا les exemples qu'il a cités sur le Daimin, Ar-Rahman, Al-Hay. Ça c'est des exemples. أما ما من اسم من أسماء الله الثابتة يغن ضلغي. Je prends مثلا Al-Qawi. Sur le Daimin, il l'a pas cité. Al-Qawi. يغن ضلغي. لأن c'est une قاعدة. معنى كلية. Elle englobe tous les noms. Al-Qawi, c'est من أسماء الحسنى. كذلك يتضمن صفة كاملة القوة. المثلى مؤنث أمثل سكم حسنى مؤنث أحسن. المثلى مؤنث سلفمنا دو أمثل والأمثل سالأفضل أي quelque chose qui a de la valeur. الأفضل وذو المنزلة الرفيع العالية. فالقواعد المثلى أي سيد القواعد دي غجل الزو une grande valeur. Et elles ont une grande valeur, elles ont une place importante fait dire. هذا القواعد المتلى هي القواعد qui ont une grande valeur في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هذا ما يتعلق بالعنوان أمس نسينا. Révisez à chaque fois les règles inshallah حتى à la fin du livre ça vous facilite. Et là, si tu laisses tout, et à la fin du livre, on va vous dire de réviser tout, ça t'attarde. Amma, chaque jour, la règle que tu as vue, tu la révises. La règle que tu as vue avant, tu la révises. Le jour où on révisera tout le livre, idnillah, ça sera très simple. Qala al-allama al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uzaymin, rahimahullah, al-qa'idatu al-thaniya. La deuxième règle. Aïfi asma'illah, dans les noms d'Allah, azza wa jal. Qal asma'ullah. تعالى أعلام وأوصاف. لنود الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. أولا قال الإمام ابن تيمية في الحاشية ونعلم أن الأسماء كلها في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. Et c'est ça la qa'ida. Tous ces noms, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, thabita fil kitab wa sunnah, dalilun ala dhatillah azza wa jal. Aïe, c'est un nom parmi les noms d'Allah azza wa jal. Fa-matalan, on cite 10 noms d'Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Qawi, ila akhi. Tous ces noms, c'est des noms d'Allah azza wa jal. Allah, il est unique. Ça ne veut pas dire qu'il y a 10 noms, qu'il y a 10 ilah. والعياذ بالله. لكن ces noms, ils renferment quoi? Chaque nom, il renferme un attribut. Est-ce que les attributs, c'est les mêmes? Là, dans la mythale, deux noms avec deux attributs différents. Ar-Rahman, c'est vrai? Ar-Rahman, Ar-Rahman, il est connu le sens. Ar-Rahman, on sait c'est quoi. Un autre nom? As-Sami' Allah Ashak. As-Sami' ça renferme une autre sifa. Maintenant, As-Sami' la tribu de Louis. Allah, il entend. Est-ce que le fait d'entendre, c'est comme le fait de faire miséricorde? Là. Là. Enfin, c'est ça la qaïda. Et vous allez comprendre, An-Nabab, Ahl al-Bida', ils se sont égarés via Dalbab. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin, il a cité ce genre de qaïda. Ah, mais là, c'est clair. La haqiqa, c'est clair. Asma'Allah Ta'ala, A'lam wa Awsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu al-mathalu al-a'la. Et ce nom, c'est des noms à Allah Azza wa Jal. Et ses attributs, chaque attribut a une ma'na. Qala Cheikh Ibn Uthaymin, A'lamun. أي أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف قال أعلام باعتبار دلالته على الذات العلم معروف العلم c'est quelque chose qui montre c'est le nom مثلا ce nom c'est un nom d'Allah سبحانه وتعالى dès que t'entends الرحمن tu sais que c'est Allah فce nom il désigne Allah قال دلالته على الذات قال وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني كذلك سنو يغفر من صفة كاملة قال وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني أي ست صفة كاملة مثلا الرحمن تكون فون كوا كالله لا تلا رحمة فالرحمن تكون فون دو شوز أن الله parmi ses noms الرحمن et tu comprends كذلك كالله سبحانه وتعالى il a l'attribut de Rahman. Il pardonne, il fait miséricorde à qui il veut Azza wa Jal. Qala wa hiya bil i'tibar al-awwal mutaradifa. Qala fil hashiya at-taraduf fil lugha. Hashiya numéro 4. Qala ar-radf ma tab'a ash-shay' wa kullu shay' tab'a shay'an fa huwa radfuh. Wa idha tatab'a shay' khalafa shay'in fa huwa at-taraduf. At-taraduf, pour simplifier, nous avons l'étibar l'awwal mutaradifa, aïe, tous ces noms, elles ont un love différent. Lakin, elles renvoient tous à la même chose. C'est ça, at-taraduf. Mathalan, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Raqib, trois noms. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Raqib. Le love, c'est pas le même. Aïe, c'est des lettres différentes. Al-Jabbar, Al-Raqib. Elles sont mutaradifa, aïe, le son. Le love, ce n'est pas le même. Lakin, elle renvoie tous, ou c'est tout, tous ces noms, c'est des noms d'Allah. C'est ça, Mutaradi. Et c'est un love différent, et ça renvoie à la même ma'na. Huna, les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est des noms différents du love. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Qayyum, Al-Hay. Lakin, tous ces noms, ils renvoient, ou ils désignent Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, Taraduf, Mutaradifa. وهي بالاعتبار الأول مترادفة اعتبار الأول أي أعلم أي سنة مترادفة أي سنة différent dans la formulation الله الرحمن لكن ça renvoie أو ça désigne les deux désignent الله سبحانه وتعالى قال لدلالته على مسمى واحد إلا cité لدلالته على مسمى واحد أي tous ces noms c'est des noms d'Allah قال وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة بمعنى أن صفة الرحمة صفة العزة صفة القوة ces trois صفات différentes dans le lafz et كذلك différentes dans le معنى فصفة الرحمة c'est pas صفة القوة ces deux صفات différentes ces deux صفات c'est à Allah سبحانه وتعالى لكن elle est mutabayina, et ce n'est pas les mêmes sifat. Lakin, le mawsouf c'est le même, Allah Azza wa Jal. Les noms, ça revient au musamma. Et ce musamma, il a plusieurs sifat. Ces sifat, elles sont différentes. Et elles reviennent tous au mawsouf, Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, lidalalati kulli wahidin minhuma, ala ma'na khas, ou ala ma'na al-khas, ayas sifat. Sifat al-izza, وصفة Ar-Rahma. Deux sifats différentes, deux ma'na différentes. La Izzah, la puissance, c'est pas la Rahma, la miséricorde. Amma les noms, min hayth anna a'la, on prend les mêmes noms, le sifa, on cite le nom. Ar-Rahim et Al-Aziz. Est-ce que ça désigne le même Moussamma? Revient tout à Allah. Le fait qu'elle revienne tout à Allah, c'est que c'est le même Moussamma. Lakin, est-ce qu'elle a alayk le mot Moussamma? Amada, t'as compris? Tous ces noms, ils désignent Allah. Il va donner des exemples. Qala fal hayyu al alimu al qadiru sami'u al basiru al rahman al rahim al aziz al hakim kulluha asma. لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى tous ces noms ils désignent Allah. Tu comprends pas un tas comme ils ont compris Al-Dullal, Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila. Eux ils ont compris Al-Hay, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami, Al-Basir, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Neuf noms ils ont compris. Vous dites qu'il y a neuf ilahs. Wal-Iyadu Billah. Enfin, ils ont rejeté les noms. Ils ont dit comment vous dites neuf alors qu'Allah il est unique. Qul huwa Allahu ahad. Tous ces noms, ils désignent Allah. Ça ne veut pas dire qu'on a cité neuf noms, qu'il y a neuf créateurs. Wal'iyadu billah. Abadan, personne ne comprend ça. Hatta akfar al-kuffar al-an. Akfar al-kuffar. Tu lui donnes un exemple avec Ad-Dunya. Tu lui dis, maintenant, ce livre, tu lui cites cinq noms. Il s'appelle Qawaid al-Mutla et tu lui cites quatre autres noms. Tu lui dis, il y a combien de livres? Il va te dire, tu te moques de moi. Il y a un livre. Hada, c'est wadih. Hatta, il y a des gens là, ils ont plusieurs prénoms, plusieurs noms. Est-ce que ça fait, il y a trois personnes? Abadan. Hakika, c'est des choses claires. Lakin Ahl al-Bida', ils ont compliqué les choses et Ahl al-Ilm, ils répondent. Mais les amènes al-Sahaba, ils n'ont jamais dit mitla del kalam. Abadan. Hada, c'est un kalam falsafi. C'est de la philosophie, faqat. Qala, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakin ma'na al-hay, ghayr ma'na al-alim. C'est ça l'un la règle. Tous ces noms, il désigne Allah subhanahu wa ta'ala. Moussamma wahid. Il n'y a pas plusieurs ilahs. Abadan. Ilah wahid. Et ce ilah, il a plusieurs noms. Lakin, ce nom là, il renferme deux sifat. Matalan al-hay, sifat al-haya. Al-alim, sifat al-ilm. Al-qadir, sifat al-qudra. Est-ce que ces sifat, ils ont le même sens? Là. On ne peut pas dire sifat al-kalam, c'est le même sens que sifat al-wajj. Abadan. On ne peut pas dire, en revenant au Asma, sifat al-Izzah, c'est sifat al-Rahma. C'est des sifat avec des ma'anis différentes et c'est du kamal, fouk kamal. Ça, c'est un rad à l'al-Mufawwida. Amma al-Mufawwid, comme on a vu dans le Lum'a, il ne fait aucune différence. Il dit sifat al-Rahma, ou sifat al-Rahma et sifat al-Quwa, Allah alam pour lui. C'est pareil, c'est pas pareil, mais yadri. Il y en a, il ne sait pas c'est quoi al-Rahma, il ne sait pas c'est quoi al-Izzah. Qala. لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا دونك من هذا الاعتبار المتباينة اي ديفيرونت دون لو لفظ اي دون لو سونس اما لو برومي او كلها اسماء لمسمى واحد الا مترادفة اي Elle renvoie tous, elle désigne tout Allah subhanahu wa ta'ala. قال وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة. Et ça, c'est un istidlal qawi. Cheikh Ibn Uthaymeen, là, il cite le premier verset. وهو الغفور الرحيم. Deux noms. الغفور الرحيم. Deux noms. Al-Ghafour, sifat al-Ghufran, Al-Rahim, sifat al-Rahman. Pour te montrer en Allah, il est Rahim, ça implique sifat al-Rahman. Il te cite un délire comme quoi Allah, il est Rahman. Qala wa rabbuka al-Ghafour, dhu-Rahman. Dans le deuxième verset, il n'a pas dit Al-Rahim, il a dit dhu-Rahman. Dhu, c'est celui qui possède. Dhu-Rahman, est celui qui possède Al-Rahman. Quand ça fait sur le premier Rahim, c'est qui? C'est celui qui a Al-Rahman. Ça, c'est un rad à l'Al-Mu'tazila. Eux, ils disent Al-Rahim, il n'a pas de Rahman. Allah, il s'appelle Al-Rahim, hakada. Mais Al-Rahman, c'est autre chose. Abadan. Il te montre le premier dalil, annahu, ism Al-Rahim, il fait partie de Al-A'lam, Al-Asma. Qala huwa Al-Ghafur Al-Rahim. On est d'accord. Thumma, il explique le deuxième verset, wa qawluh, wa rabbuka Al-Ghafur, dhu Al-Rahman. Aïe. Ce ism, كذلك, il y a une sifa. A'lam wa awsaf. Il a cité les deux versets. A'lam, le premier verset, al-ghafur al-rahim. Awsaf, le deuxième, wa rabbuka al-ghafur, dhur-rahma. Al-shahid, dhur-rahma. Qala fa inna al-aya thaniya dallat ala anna al-rahim huwa al-muttasif bil-rahma. C'est ça. Le deuxième verset, il montre que al-rahim, c'est celui qui a al-rahma. Et c'est ça la règle. Cheikh Ibn Taymiyyah, en toute cette règle, il veut t'expliquer que chaque nom, il renferme un attribut. Et il veut te montrer que certains innovateurs, Al-Mu'tazila, ils ont renié Allah. Ils ont dit Allah c'est Rahim, mais tu ne peux pas dire Allah est Al-Rahma. Limada, li anna indahum Al-Rahma, c'est une faiblesse. Comme la mère avec son enfant. Ou ils disent Al-Rahma, la créature Al-Rahma. Comment tu peux dire qu'Allah est Al-Rahma? Cheikh Ibn Taymiyyah leur a répondu avec le verset Qal, wa rabbuka al-ghafur, dhur-rahma. Dhur-rahma, celui qui a Al-Rahma. Comment tu peux nier hala? C'est une Rahma kamila. Et elle ne ressemble pas à la rahma des créatures. La règle, elle est très simple, ya jama'a. Wa li ijma' ahli al-lugha wa al-urf annahu la yuqal 'alim illa liman lahu 'ilm wa la sami' illa liman lahu sam' wa la basir illa liman lahu basar wa hadha amr bayyin min an yahtaj ila dalil. N'am, c'est tellement clair comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, il n'y a pas besoin de stadal, il n'y a pas besoin de citer des preuves. Tout le monde, comme a dit ahli al-lugha dans la langue arabe ou autre, et l'urf, toutes les personnes ils connaissent ça, anna si tu dis fulan il est alim, ou c'est un alim, c'est qu'il a du ilm. Tu ne vas pas dire un ignorant, c'est un alim. Non. Fafi asma'illahi azza wa jal, si on dit Allah c'est rahim, automatiquement c'est qu'il a sifat al-rahma. Ou illa, pourquoi tu dis c'est rahim? Ah non, c'est clair. Lakin avec cette clarté, tu trouves un al-bida' là. Il te le dit clairement. Allah il est aziz, mais il n'a pas d'izza. Allah il est sami', mais la yasma'. Falsafa. Ils ont délaissé tariqat al-salaf, ils ont pris tariqat al-kuffar, et ils ont atteint ce niveau, wal-iyadu billah. Qala Cheikh Ibn Taymiyyah, wa bihadha, ulima dhalal, man salabu, asma Allah ta'ala, ma'aniha, min ahli al-ta'tib. Al-an Cheikh Ibn Taymiyyah, il a fait cette démarche, il t'a montré avec les adillah, al-an il va rab, ala ahli al-batil. Si tu as compris tout ce qu'il a cité avant, tu comprends batil ahli al-ta'til. Ahli al-ta'til min mu'tazila, comme a dit fi al-hashiya. Qal, al-hashiya al-oula, qal min huna tab'idhiya. Ay min ahli al-ta'til. Parmi les gens du ta'til. Qal, ay min ahli al-ta'til. Wa hum al-mu'tazila wal-khawarij wal-murji'a wa ba'd al-shi'a. Haoula, ماذا قالوا? Qu'est-ce qu'ils ont dit, haoula? Qal, Cheikh Ibn Taymiyyah, wa qalu, inna Allah ta'ala sami'un bila sam'a. Wa azizun bila izzah. Ils ont dit l'âme, Allah il est samia. Lakin vu que leur aqida, celui qui entend, il ressemble forcément à la créature. Pour eux, ils ont dit Allah il est samia, lakin il n'entend pas. T'as déjà vu une contradiction mitla hadi, anta? Allah il est samia, il entend, c'est celui qui entend, lakin il n'entend pas. Ça vous montre, ya jama'a, anna al-bid'a, elle rend bête la personne. Celui qui tombe sur le bid'a, il devient bête. La yafham. Les choses claires et il commence à se contredire. Tout ça, c'est pour dire eux, Allah ne ressemble pas aux créatures. Nous, on a la méthode du Coran et de la Sunna. Allah, après avoir dit qu'il ne ressemble pas aux créatures, il a dit ce Sami' ou le Basir. Nous, on dit Allah, il est Sami' Yasma, Léana, il a dit Sami' il ne ressemble pas aux créatures. On ne se contredit pas, walillahi alhamd. Mais ils ont pris le début, faqat. Laysa kamit li shay, il ne ressemble pas aux créatures. Aina wa sami' as-sami' al-basir. Qala wa 'allalu dhalik bi anna thubut as-sifat yastalzim ta'addud al-qudama. Ça c'est leur deuxième shubha wal 'iyadu billah. Awalan, alors je vous pose une question. As-sami' ou tous les exemples qu'il a donné chez Ibn Taymiyyah, Al-Hayy, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami', Al-Basir, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, neuf noms. Al-Mu'tazila, ils acceptent ces noms. Lakin, ils renient la sifa. Ils disent Alim, Naam, il est Alim. C'est l'Alim. Lakin, il n'a pas d'ilm. Awalan, limada, ils ont accepté les neuf noms. Et pour eux, ça n'a pas impliqué qu'il y a plusieurs ilahs. Amma fil sifat, ça a impliqué plusieurs ilahs. Ta'addud al-Qudama. Comme a dit Ibn Taymiyyah. قوله تعدد القدماء أي plusieurs قدماء. Ils appellent هذا هم الإله. Vous avez compris ce sual? Al-An, tu as plusieurs ismes. عند المعتزلي, il te dit, ces ismes, si je dis en Allah, il a le sam', il a le basar, il a le qudra, il a le quwa, ça veut dire qu'il y a plusieurs qudama et plusieurs ilah. Lakin limada, ils ont accepté ces ismes alors que c'est des ismes différents. Hicham. Par rapport à la règle, on a une règle. Nous, moi, toutes les choses que je vous pose, c'est par rapport aux règles. Indak. A'lam ou awsaf. Al-a'lam, elle désigne tout. On s'en va. Mu'tazili, le sait. Al-a'lam, elle désigne tout le même ilah. Fawa, il te dit Sami, al-basir, al-hay, al-qayyum, tout ça, il te dit c'est Allah. Il est unique. Fossifat, qu'est-ce qu'il a fait? La règle, toujours. Fossifat, c'est où qu'il n'a pas compris le mot Mu'tazili? Moussaba Wahid, la kin le ma'na? يختلف فهو يتدي كيف سمع il entend ثم une autre صفة il voit ثم une autre صفة il a de la force ثم une autre صفة il a de la rahma il comprend plus ouais. Il croit qu'il y a 4 ila. C'est pour ça que la règle elle est importante. Anna al-asma al-a'lam elle désigne toutes le même ila. Al-awsaf ayant صفات qu'ils ont renié le mu'tazila la aqida du sunni anna ces صفات elles ont une ma'na différente lakin elles reviennent au mawsouf واحد. فلهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن il a cité plusieurs صفات et في القرآن il a dit قل هو الله أحد. Tu rassembles avec les adillah et tu n'as aucun problème. لكن القوم ils ont des ils sont malades. Ils ont des choubas. Ils ont des choubas. Mais هذا c'est une chose très simple. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة. Et on vous laisse réviser cette première partie et demain بإذن الله نكمل. Patientez, c'est simple. بداية c'est بداية قد يشكل على البعض des mots nouveaux. Des règles qu'on n'avait pas vues. Enfin, on résume la hanou stuqa'ida. Ce que tu dois retenir, anna stuqa'ida anna asma Allah ta'ala a'lamun wa awsaf. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala a'lamun. Aïe, ces noms, ils désignent un musamma wahid. Aïe, Allah. Maintenant, tu cites l'an, si quelqu'un cite 60 noms, ces 60 noms, ils désignent Allah. Aïe, Allah, il a ces noms. Ça, c'est la première chose. Et ces noms, ils sont husna, la première règle. Deuxième chose, tu retiens, anna ces noms, kadalik, bi'atibar akhar, elles englobent des sifats. Ces sifats, elles sont différentes, lakin, elles désignent toutes le même mawsouf. Et celui qui a son sifat, il est wahid. Fa, maintenant, Allah, il a plusieurs sifats. Il a sifat al-qudra. Aïe. La capacité, il fait ce qu'il veut, Azza wa Jal. Il a sifat al-quwa, la force. Il a sifat al-izza, la puissance. Il a sifat al-sab'u, wal-basar, wal-wajj, wal-yadayn. Il a un visage, il a deux mains, il a toutes ces sifat. C'est pour un mawsouf wahid. Les noms d'Allah, a'lamun wa awsaf. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.